Le mot grand se dit en chinois. Da, da. Doigt noir pointé vers le sol. Da, pour dire grand. En pinyin, qui est donc la transcription officielle du chinois, ça s'écrit da. Doigt noir pointé vers le sol. Alors un jour, j'ai demandé à mon ami russe si la Russie était un grand pays. Il m'a répondu da. Alors dites-moi, est-il grand? Ta dame. Est-il grand? Ta dame. Non, il n'est pas grand. Non. Pu. Et comment direz-vous, il n'est pas grand? Ta pu ta. Non, il n'est pas grand. Pu ta pu ta. Dans ta maison, où est la télévision? Zai, ni de. Zai, non, non, non. Jia li, dian, shi, na. La question est, la dian shi se trouve où? Alors, se trouve où? J'avais déjà se trouver au début. Est-ce que j'en ai encore besoin? Est-ce que j'ai encore besoin d'un se trouver ici? Vous pouvez mettre autant de se trouver que vous voulez. Souvenez-vous que zai est un? Un verbe. Un verbe, oui. Oui, bien sûr. Alors, dans ta maison, où est la télévision? Où se trouve la télévision? Ou bien, où se trouve télévision? Zai, ni, de. Zai, li, dian, shi, zai, na. Comment dit-on maison? Jia. Jia. Comment dit-on tu? Ni. Bien, ni. Dans ta maison, où est la télévision? Zai, ni, de, jia, li, dian, shi. Elle est sur la table. Ta zai zhuo zi sheng. Comment dites-vous sur, dessus? Sheng. Shang. Shang. C'est ça. Shang. Quel est le nom de cette ville située au-dessus de la mer? Shanghai. Shanghai. Et comment dites-vous cette ville en chinois? Shanghai. Donc, le premier caractère, la première syllabe veut dire « sur ». Et c'est exactement le même mot. Et c'est celui que nous allons utiliser ici. Alors, à chaque fois que vous dites « Shanghai », vous employez en réalité deux mots chinois qui sont deux mots très courants, qui sont « sur » et « mer ». Donc, il est « sur la table ». Ta zai zhuo zi shang. Traduisez maintenant. Dans ta maison, où sont les toilettes? Zai ni de jia li zai suo zai na. Comment dites-vous toilette? Zai suo. C'est ce suo. Je vais la répéter encore une fois alors. Zai ni de jia li ce suo zai na. Dans ta maison, où sont les toilettes? Zai ni de jia li ce suo zai na.